Bonsoir. Bonsoir, mes chers amis. Bonsoir. Bonjour, bon après-midi, bonne nuit, bon week-end à tout le monde. Merci et nous revoici encore aujourd'hui. Tous les amis, moi, Batouba Kota. Taguer les gens qui ne sont pas là et Bayako rejoindre Bissot. Mingi ba mille voir. Vraiment, il me manque. Je suis en ligne. Je suis en ligne. Ba mille voir, bas à la moins belle. Ça nous fait plaisir. Voilà. Merci. Aujourd'hui encore, une fois de plus, moi, tant à Bissot, il y a pause. To meka ko discuter mouke. Mboka ezali biente. Il semblerait que ba consultation est sili, mais bazo ba kisa sou liste aujourd'hui. On nous a informé que ba consultation est sili ki lobby. Mais lelo na tango ya R de Kinshasa. Il y a un groupe de Bikoro, c'est Bikoro, quelque chose comme ça, qui ont été réchis. Et ils ont continué, ils ont abattu Moussou Babosanaki, alors il faut qu'on rappelle Bango. Alors, je pense que Banana Bissou, Baoudjana Bazaraki, consulté, mais notre national, Babosanaki, Baoudjana Yamikolo. Ah, Bazaraka, Yamikolo, puis Bazaraka, Baoudjana. Ok, anyway. Voilà, donc. Toyer les logistes pour discuter de l'Obiango sur notre pays. Et aujourd'hui, nous allons parler de moi problème T, hein, un problème qui se passe dans l'ambassade Nabiso. Et puis, tout ressort là sur armée. Et tout ressort ça, on a deux points. Je pense que ça nous prendra au moins 40 minutes. Tomé Kampé, ça a effort pour que tout chaque 20 minutes dans chaque point. Alors, excusez-moi, il y a un petit problème dans la connexion. Voilà, excusez-moi, dans la charge qui ordinateur. Voilà, donc deux points, Yaliboso, y a l'ambassade Nabiso. Denge boyebi que en réalité, l'ambassade Nabiso est la ambassade de. L'ambassade Nabiso est la boîte. La boîte y a la business ou bien la boîte pornographique. Ce qui est le biboyé, dans les circonstances des causes, dans les biens. Pourquoi dans le bango? Parce que ce que j'ai d'abord, l'ambassade y a Congo, la Chine, l'ambassade y a Congo, la Corée, dans un file na bango. Oui, dans un file, oyo, makambu ba Congolais, musu balinga ramingi, vidéo et bimie, ba mutakalisé. Donc, ba file que ba service y a Corée. Tozwaki na ambassade nyonso mibale non ya Corée Japon karaté pardon Corée Chine karaté ya Corée Chine et puis Japon ezali ba boîte pornographique et koza la débandade c'est to binisi yango. Alors mais nazotika la na côté administratif pour dire que l'ambassade n'a pas en réalité sa ambassade te ezali ba boîte pornographique ou bien ba boîte de business. Pourquoi na lobina lobela ngo parce que na zui ba appel moi ebelé ya bande ko na biso basala kana ba ambassade. avant na le la problème ya kala ya ambassade be escroquerie tika na loba moke na R Félix, qu'est-ce qui se passe na ambassade na biso? Boyebi ke na kati ya ambassadeur ba diplomate nyonso na biso bazali ba fonctionnaire de l'état ya ministère ya affaires étrangères. Et moi moke na ba pays où il est très important par rapport na Congo. Moi ba service ya renseignement pezali na kati. Mais la plupart ya ba diplomate na biso bazali ba fonctionnaire ya ministère ya affaires étrangères. Mais comme boyebi ambroglio o ezala mboka na biso, tout le monde peut devenir diplomate. Ezala mutu moko azala ki né enseignant quelque part, mutu moko azala ki kokata na ye mbila na plantation ya bandundu, tellement de konaye a komi ministre ya affaires étrangères, mbala moko ba bombarder ye ambassadeur bien ba bombarder ye chargé de mission, va bombarder conseiller juridique, va bombarder engagé local, va bombarder premier conseiller, deuxième, troisième, bazak, ou tout même na 20e conseiller. Et tu évites ba conseiller na ambassade na biso basala msala nini. Conseil nini ba pesaka parce que les Congolais souffrent au bazana na diaspora, ko joa ko to atam kanda moko certificat de mariage problème. Certificat de naissance problème, passeport problème. Alors, Congolais a joué un problème dans la police ou bien quelque chose comme ça, vous ne verrez jamais ambassade ya Congo ba ke ne se présenté que nos citoyens na biso azali arrêté. Mais ba mboka msu to mona ka un citoyen a mboka na azali arrêté, azali inquiété, azana souci à justice et à la police. Vous verrez ambassade na bango ko se présenté que citoyen na biso a des problèmes, to linto yeba ezali nini. Alors, si ça j'ai ko lukila ye avocat, ba ko lukila ye ba avocat. Mais na Congo ezala kati. Na yebisa bino deja ke ba ambassade na biso nyonso na Congo soki obengi ba même siko ndenge bozo landanga isiko yo pokoyi ko sala test pokoyi ko benga ambassade sala ka lokola mwa eloko moko lokuta ke non ndeko moko bakangi na la police sika tel azana besoin ya aide ya ambassade ba okata yo telephone pokoyi biso bazali okipe awaluka avocat bazali okipe tokotala msima. Mais ce que vous avez ambassade de Nyonso, vous avez la test. L'ambassade de Congo, vous avez dit que vous avez 500 000 dollars ou bien 500 000 euros. Na lingi boye edenga na bimisango na mboka na zali. Boko yoka ambassade, boko yebisa yo, kaka place ozali ko bouje te, ko ningana te place ozali, pesa adresse, oza wapi. Ko ningana te. Na 5 minutes bazali wana. Na 5 minutes bazali wana. Alors, ils allient vraiment ambassade. Mais ce qui se passe dans R Félix, c'est quoi? Vous voyez que dans le lobby, les diplomates ne sont pas fonctionnaires de l'État, il y a ministère des Affaires étrangères. Salaire na bango et outa kana Congo. Na Congo, ce qui va fonctionner, ba futi bango, bango pe ba futi bango. Na Congo, ce qui va futi te, bango pe ba rozo salaire te. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant dans R Félix? Ce que je vous dis, c'est vrai. Nazui bapel ya ambassade, je pense 7, non 8. Ba message ya ambassade na biso. Mingi mingi na Europe, na Asie. 8 ba bengi ngai. Moko azali na Moyen-Orient, na ebite pourquoi lingi ko solo na ngai, mais il a contacté son frère na Europe. Poke ayebisa frère na ayebisa nga lingi kosolola na ngai, mais je lui ai dit a solola na nga directement na lingi par de personnes interposées na ambassade 8 oyo ba contacter ngai. Problème na bango ezali nini? La plupart bazali ba conseiller, premier conseiller ambassade, deuxième conseiller, conseiller juridique. Ce qui se passe, c'est quoi? Ya liboso ezali mbongo ezate. Boyebi ke ba diplomate na biso ba place ba vanda ka ba futelaka. Il faut ambassade afute apesa bango mbongo ba futela bandako. Alors, mbongo ezate. Même moke soki eye ambassadeur ale yango. Excusez-moi. Ambassadeur ale yango. Alors, maintenant stratégie est comme une nini, na ministère des Affaires étrangères, boyebi ke mutuaza ministre, ezali soki ntumba. mama oyo atekaka bandai koteka makala, Félix Ajoa akomisa ye ambassadeur, pardon, ministre ya affaires étrangères. Mbongo so emonani ifu batindela ba diplomate na biso libanda. Kotinda mbongo ekomi d'une façon sélective. Ba diplomate luba bazali ko recevoir mbongo. Je vous dis même boya ko finga. Ce que je vous dis c'est vrai. Et wuti e pananga mokote batu bayebisinga bango moko ba diplomate. Na lingi ko sacrifier bangote, na lingi ko tanga ba pays na bangote. Mais je vous dis en Europe, en Asie. Mbongo bazotinda d'une façon sélective ezo leka sous na canal ndenge leka kati. Soki ambassadeur azali muluba mbongo ekeyi directement epanaye. Soki ambassadeur azali muluba te, ya un service na ministère des affaires étrangères bazo retirer mbongo wana olie batinda na canal ndenge mbongo ekendaka bango bazotinda mbongo na ba diplomate luba. Ba diplomate luba bakaboli entre bango. La question mama moko mwasi ya deuxième conseiller ambassade na biso quelque part a bengi ngai et d'ailleurs a pesi ngai ba information moko atindelinga na email soki na bimisi yango c'est terrible mwasi ya diplomate mwasi ya deuxième conseiller alobi papa na koloba pasi eleki na ko bimisa biloko na zo tindela yo atindelinga yango. Comment expliquer à tout ni question? Comment expliquer? Parce que ngai pe na tuni ba question mère. Preuve ni nos anango. Papa preuve ezali document yango na tinde lieu yango. Preuve msusu yango yo, preuve msusu yango yango yo. Biso nyoso zali ba diplomate. Biso nyoso mbongo toliaka e utaka na Congo. Me ndenge nini biso bazo bimisa biso na bandako? Ba diplomate luba bazo bimisa bangote. Ba diplomate luba er nyoso ba provision bazo sala. Ba camion na bango bakena ba supermarché ba voiture ezotonda na ndako ba problème ezati bana bazoke ndi classe ya pa de problème to meki ko vérifier mwana ya diplomate moko luba ayaka na ndako na biso toza ba famille to mesana toza ba diplomate na mboka oyo aye na ndako ayebisi biso po abimaka na mwana biso ya mwasi ayebisi biso problème tala problème ndenge ezali tala ndenge ezali bazotinda kaka mbongo na ba diplomate kasaye ba kasaye pe nyoso te luba. Alors c'est un problème ezali un sérieux problème. Alors to luba nini? Parce que d'abord la personne qui est président soi-disant président de la république azali tribaliste moto o azali président de la république ye moko ba nomination na ye kaka luba bomoni auti ko nommé. Je vais parler de ça bon tika luba parce que parenthèse to font la parenthèse. Vous savez que na kozonga mkanga diplomate, vous savez que année prochaine Congo e kozwa présidence ya Union africaine. Na lobby bien Congo e kozwa présidence ya Union africaine. Na Union africaine présidence ezali ya na tour de rôle mboka oyo soki ba dirige mboka msusu ye kaka ndenge na a tour de rôle. Année prochaine 2021 Congo na premier trimestre mois de janvier Congo azozwa présidence ya Union africaine. Bola ndanga bien parce que toyebi ba milouvor les insensés ba inconscients ba koya koyebi sabino béton a comme président ya Union africaine. Ce n'est pas la tête ya président ba voter ye que non mutu na ye expérience a yebi mingi a kuede to voter ye pour comme président Union africaine. Non, présidence Union africaine ezali ba pays à tour de rôle. Alors et au coïncider que Félix Congo et ko comme a besoin présidence na mois de janvier et assis à nommer yé notre national a nommé déjà les gens qui vont travailler na yé na Union africaine. Bota la liste: Musenga, Malu a nommé bango luba. Alors tokangi parenthèse on a parce que toyebi ba ba koya béton fati béton a comme président union africaine kuna pe ko sale loko mote union africaine pe ba président déjà ba si ba yebi ke na Congo baza na chiding ding. Alors on va les rouler maintenant ba to nyonso ba ligne ko faire passer stratégie na bango na union africaine eza une opportunité bazo zela que Congo a zo président soana pour que ba rouler. Il connaît rien, vous voyez, mais loko mokote bako roule ye aux alakaka oui oui. Alors tozongi na makambo ya ambassade, comme je disais que mbongo ezali kokende ezo tra ministère affaires étrangères na bon, c'est outil na finance et na affaires étrangères batini na ba diplomate. Alors mbongo wana mingi bato bazo zwa mbongo salaire soit yete moi ba avantage moi ba mbongo mike mike nde batindaka, ce sont les diplomates nous ba qui touchent. Ngam na lobi yangote ba diplomate bango moko bango 8 ba benginga ba yokana kite moto na mota benga na période na ye et zwibiso je pense 3 semaines et na lobi ke bon lelo to lobela yango bango kaka bazali ko zwa mbongo pourquoi et loko ya mibale pona ba diplomate na biso bo yebi ke bango ba vivaka mingi pona ba passeport. Alors, ce qui est passeport, c'est $200, bango bako taxé au $300, et l'excédent, on a yango bango bako kabolaka. Banda ba passeport, ezo mona na te, ba diplomate na biso bazali ko croupir na misère moko terrible. Souffrance moko na ndenga wasaka na te, parce que, boyebi ke ba diplomate, visa na bango ya diplomate, oza na droit ko sala msala te. Donc, msala mususu te. Kene o kene na izi, no kene kosala, o kende boyo kene kosala, non, ozana droit na te. Soye ba kangi yo, ozana problème. Alors, ba diplomate, msala na bango baza, ba vandaka na ambassade, ba sala msala. Ba diplomate na biso ba koma ko kemande, ba kende na ba ambassade, lokola ya ba Ethiopie, ba kende ko senga bilo a rolia, ba kende na ba ambassade, lokola ya Djibouti, vraiment, un diplomate congolais a kende ko senga bilo a rolia, et pas diplomate ya Djibouti. Vraiment, o yezali ko lokate. Alors, ba passeport, ce qui est bimi, bon, vous voyez que ba passeport est zate, ba prometta ki bine goya sousouté, bozo zela peut-être, bozo zela vers année prochaine, ou bien fin année, mais en tout cas pour le moment, ba passeport est zate. Et ba ambassade na biso, ba diplomate na biso, ba komi prostitution pour na basi, ba na biso, ba zo sa la prostitution pour que ba vivre. Alors, mibali ba komiko kemande na bande ko na biso bazali ko sala mwa misala mike mike pour que aide ba mso ba komi bescro ko inventer ma kam pesa mbongo a passeport na pesa ka deja ce que passeport et bimi mbala moko ko zo yango wana nyo sezali nini pour ka zo quelque chose a laisse sa famille na ye et ça c'est Félix. Voilà donc 20 minutes pour ba diplomate na biso ba ambassade na biso. Tous les cas, on va quitter ça une minute mingité, juste 40 minutes. Tous les cas, na makambo etali armé, ba militaire na biso, bazali pe, baza ba congolais loko na biso, baza batu, baza na ba sentiment nyonso loko na batu. Alors, pays il faut etcha ba militaire na biso. Na environnement moko ya malamu pour que ba protéger biso. C'est vrai, un militaire congolais soki azali bien payé, un militaire congolais soki azali bien équipé, bien logé, bien nourri, bien vêtu, je vous assure que Congo est connu comme la première puissance militaire en Afrique. Je vous assure. Boye bakabo kanisa période à Mobutu. Présence ya militaire zaïrois na ba guerre africaine guerre wana ezo sila na ba jour. Je vous dis l'histoire ya guerre na Tchad. Ya Tchad et sila na minute militaire congolais zaïrois plutôt à cette époque. Mais voilà aujourd'hui un militaire mbongo na ya zo zo yangote militaire na guerre famille na ye tikala na Kinshasa Bandundu Équateur, Kisangani, Kivu, Kasai, Katanga, Bakongo, militaire azo kene na front pour protéger biso, makanisi na ye ezana fronte makanisi na ye ezali est-ce que bana balé est-ce que bana bakene hôpital est-ce que bana bakene classe est-ce que bana balali balati est-ce que na Noël oyo bana bakolia ata moi soso est-ce que na Noël oyo bana bakomela ata moi sucré na est-ce que donc le militaire se demande et bozomona que moral na ye ezali na fronte comment est-ce que militaire bosenga ye résultat à protéger mboka ou protéger mboka te. Et les mêmes militaires, na tango azali ko yoka, azali ko mona, azali ko tanga, que batumi balé ya mboka na biso, moko salaire na ye 2,070,000 dollars, mousousou salaire na ye 680,000 dollars, et militaire azo zela. D'abord, salaire na ye za wokokate. Bana na ye baza na mbongo te. Na nda kukuna babimisa militaire, famille ya militaire, bakoma ko vande pa mama leki, bakoma ko vande pa tata leki, bakoma ko vande pa ba famille. Mais, na ye kuna mbongo ya salaire ezo ya te. Kolia azo lia malamu te. Ifuko zela ambasader ya Etats-Unis, ake ne kukabila bango, bwata sardine moko, kopo ya madesu moko, moto ezate. Akolia yango ndenge nini ya mobesu amela yango. Alors ces militaires azo mona salaire ya président 2,070,000 dollars, salaire ya prédécesseur na ye frère na ye Kabila 660,000 dollars. Moral ya militaire ezali ndenge nini? Moral ya militaire ezali ndenge nini? Na moment oyo ndenge nazo yebisa bino, ya des informations autocopées penza te. Ba militaire na biso bazali na kanda. Ba militaire na biso bazali na kanda. E ndenge za wana ba kan e kabwani misatu. Le militaire Luba oyo bazali ko supporter Félix aveuglement même si bazali na nzala makila kake zo ganga. Le militaire rwandais oyo bazali ko supporter ndeko na bango rwandais Kabila et le militaire congolais na ba militaire nyonso soki botali malamu bato bazali discriminé bato bazali marginalisé ezali ba militaire congolais salaire ezokende te bana na bango ba famille na bango na bandako bazobimisa bango logement ezali te classe ezali te Noël oyo bakosala ndenge nini. Alors le militaire maintenant se pose des questions. Ba continuer ko tambola bon tabac ko supporter batu oyo bazali ko diriger bango. Soit disant bokanga mukaba, bo serre ceinture, bo batela mboka, mboka ezali na pasi, mbongo ezate. Bo batela ikolo kaka ba slogan boko bonga toko bongisa vina bino. Kaka toko bongisa. Lelo, deuxième année yango tozali kokende, toko bongisa. Mbongo ezate bo serre sentir. To serre sentir, kaka sentir batu bako serre ba militaire, batu bako serre sentir ba policier, batu bako serre sentir ba famille na bango, bana na bango, basi na bango, bandako ezate, klase ezate, abeli hôpital ezate, ba serre ceinture, mais yo président salaire na yo 2,070,000 dollars américains. Chaque mois, ozali ko simba yango cash. Prédécesseur na yo Kabila, azo sala musala te, azo lala ba pongi na kinga kati, salaire na ye chaque mois 680,000 dollars. Alors le militaire se demande, ba continue toujours, ko supporter Bouzoba, ou bien Félix na Kabila na basi na bango na bana na bango na ba etni na bango bazwa mandoki ba batela mboka parce que batu bazoli kozwa salaire na otu ko yisa bino makambo ba diplomate batu bazozwa salaire eza ba diplomate loba ba militaire o bazo futa Félix a recruté militaire la plupart loba autour na ye bazozwa salaire. Kabila, ba militaire na ye Rwande, bazozwa salaire. Mais ba militaire o msusu batika li sokozali militaire origine ya Équateur, ya Bakongo, Bandundu, il y a Katanga, il y a Kivu oriental, salaire est élevé. Moke, oyo bazali kozwa salaire, peut-être chance et loko pamba, na tango bazo sa la liste, il s'est retrouvé na liste ya ba militaire luba, aza na salaire. Il se retrouve, et longine peut-être loko na ba Rwandais, il se retrouve na camp ya ba militaire ou bazo protéger Kabila, azo zwa salaire. Mais ba militaire ou bazali na ba leader te, oyo ke, bazali bandeko ya Félix te, bazali bandeko Kabila te, ce militaire croupisse. Ces militaires croupissent. Alors, la question que le militaire se demande, va continuer ou bien va continuer? Je pense que un vrai militaire, tu sais que tu as un militaire, il y a solo. Ce qui manque dans le militaire, c'est les alliés encadrement. Encadrement psychologique, encadrement financier, encadrement logistique, encadrement nyonso. Et aux angles militaires congolais, n'ont pas été colombes. Alors, si ces militaires, le vrai, j'ai dit, oyo bazali na makoki ya kobate la mboka, pourquoi babo mabango na souffrance ya boye, au lieu de se retirer d'abord en tant que militaire, na longwe na déserté, et par la suite, tant mboka na biswe kobonga, et voilà, militaire a koyo ko réintégrer. Armée. Que botika ba militaire na biso bakufa boye, ba mbuza mabe bakufa, ba Mamadou Ndala bakufa. Donc, bazali koboma ba militaire na biso progressivement. Et les gens qui disent que non, moi na mboka si kwa zali na pouvoir, je ne sais pas si batou. Bon, ma kampoupe a classe en goto zolo bilango chaque fois, je ne sais pas. Tala. On n'avait pas besoin na mboka na biso. Oui, to bandeko ko lobake to lingi mwana mboka zo pouvoir. Mais on avait pas dit que mwana mboka o zo pouvoir aza la mwana mboka idiot. Mais non. Je pense que tozali na définition différente entre bino na biso, il y a eloko nini lingi ko loba mwana mboka. Mwana mboka lingi ko loba te que mwana mboka n'importe quel mwana mboka zo pouvoir Kabila kende non. Moi na mboka to bandeko linga zo pouvoir, moi na mboka o azali na bongo, moi na mboka azali na mutu, moi na mboka azali na experience, moi na mboka o azali patriote, moi na mboka azali na amour ya mboka, moi na mboka oyo lelo akoyi ko telemela pona ko protéger ba Congolais. Mais moi na mboka o botche na pouvoir, ezali moi na mboka o to bandeko zela te, on n'attendait pas un inconscient. On n'attendait pas un incapable. Tu vas causer la montée à bon côté. Alors, cette histoire-là, bah, slogan, moi n'amboka, tu vas causer la moi n'amboka, tu vas moi n'amboka, tu vas les amis, moi n'amboka, le quoi la Félix, c'était moi n'amboka patriote. Parce qu'en ce moment ici, le Congo a besoin, il y a moi n'amboka na pouvoir, mais pas n'importe quel moi n'amboka. Congo a besoin de n'importe quel moi n'amboka, tu Congo a besoin ya mwana mboka oyo azali capable. Capacité nyonso ezali. Tout ça a besoin ya mwana mboka ya moyibité, ya menterté. Alors, voyez maintenant 2 ans. Ba oyo ba ndeko lo babo, eto bandaki parce que nous tout ça la ka analyse. Biso tout ça ba chidingidingité. Au départ déjà Félix na ère azui pouvoir, on a dit que Moutou o aza capable était à co diriger Mboka. Aza même capable à co diriger même Batou Diste. Oh non, Botik il a y tant. Wapi Bactiviste ya Botik il a y tant. Botik il a y tant. Ah, Botik il a y moi tant. Botik Lelo, Totiki tant. 5 mois. Totiki tant. 10 mois. Totiki tant. Une année. Totiki tant. Une année et demie. Totiki tant. 2 ans. Mais mandat ici, là, on a 50. Si vous avez dit tant, vous avez dit 40 ans, vous avez dit tant. Mais non, à la kisi, incapacité na ye. À la kisi, motema mabe na ye. Motema mabe, ozozwa salaire, 2 millions, bandeko. Ezra 70 000 dollars, wana, ezali ebele ya likolo. Ba président o bazo sala msala banda tongo ti pokwa. Président américain a 70 000 $. Président français salaire na yeza 15 000 $. Président coréen salaire na yeza 16 000 $. Mais président ya Congo a zo zwa 2 millions. Mais bandeko bozo ka 2 millions 70 000 dollars. Mais mbongo wana ndengeza na vraiment. Salaire ya ba militaire combien ba ko zwa salaire? Ba militaire combien ba ko yoko zwa salaire na 2 millions wana? Quel motema mabe, quel kendoki? Ba milouvor, botika bango, mes chers amis, botika bango, bohebi déjà bande kona biso ndenge bazali, bohebi bango, ce sont des gens qui ont raté l'école. Ce sont des gens qui ont raté l'école. Ce sont des dépressés. Donc, batumoko baza déjà, baza dépressé, et ba chaque espoir nande kona bango, ndeko na bango a décevoir bango, ndeko na bango a yeko prouver oyo ba bombaki, ba yebaki ki ah le kasai c'est l'éducation. Bango batu batanga liboso, bango batu baza ba premier docteur na droit, bango batu ba la kisa biso kolata cravate, bango batu ba yana démocratie, bango batu ba yana état de droit, bango batu ba fonda Congo, soki bango te Congo mbele kufa, lelo bango na baza na pouvoir, incapable, o Kabila zo empêche biso lokuta na présidence Kabila zate, botala ce qui se passe na présidence. Moyibi na moyibi, incompréhension, communication et zalaka mobulu. Alors, wapi bango, ba milouvor, biso ba tototanga, biso boy, wapi bango, na présidence ndeko na bango azawana. Chaque jour qui passe na présidence, makambwezo li kakuna donc, inconcevable rondi mayangote, chaque jour qui passe. Alors, est-ce que Kabila Moutassa na présidence? Ce que vous voulez Kabila zo empêché biso. Ah Kabila Moutassa liboy. Kabila Moutassa sala ndengo na po Félix Salaté. Kabila na présidence pe Kabila Moutassa sala ke Félix Salaté. Na présidence banda likoloti na seba cousin na yete. Na présidence o ke banda likoloti na se mwana etu tu wetu tu wetu manseba mwana wetu mwana wetu. Alors na présidence pe kuna Kabila Moutassa ko empêché bango basala. Non, ce sont des menteurs. Baza ba incapables. Bakoyoko sale lokote. Alors, ceux qui viennent ici, bozomona, ce sont des gens derrière computer na ye. Bato moko peso bokutani na ye boye na vie boye bokutani physiquement. Eza moto mokila na ye entre les deux pata akokaoka avie mukubwa. Alors, tellement za ye moko na téléphone na ye moko na computer na ye, laissez-les. Boyebite ke kofinga ezali une partie à culture y a bande qu'on a biso kasaye la culture que luba so longoli ingir eza susuté eza susu lubaté alors eza culture na bango to tika bango na culture wana eza mboka na biso baza bande qu'on a biso culture eza culture biso malgré tout eza culture moko négative mais alors que voulez-vous qu'on fasse botika bango botika bavanda wana alobi afingi bon. Nous sommes au fin, nous sommes à la preuve. Pièce contre pièce. Nasima Nangai, Bilili Wana, Bola Kisangai, Lili Moko ya Félix Boy, Ngaye Wana Nazala Katikati. Et demandez-vous, les alliés réunion ya Nini Wana. Naego Sala Nini Sika Wana, Botala, image Wana. Ah, Pandego Bazana Facebook, bon, désolé. Il fallait Bozala na YouTube, bon, mon image Zana YouTube. Alors, qu'est-ce que je fais là? Na kachwana botala bilongi ya batwana batabandundu batabandu soki bomoni bien mutu mwindu awa bazami satu mwana mwasi moko bozomona suki na ye bread na yete so babenga ngu bongo azali diplomate américaine alors mususu aza juste na sima mutu na ngabo bomona yete ye wana. Voilà, Azali, je pense, le représentant délégué à une organisation, il y a resettlement, il y a réinstallation, il y a réfugié en Australie. Voilà, en Australie. Ah, bandego van Australie, ceux qui ba monier, ba oyé, ba. Alors, nga moko nga wana na katikati na cravate, naza ko dondo wana na kati. Alors, dites-moi, nazo salani. Hein? Tous ces va-ni-pieds, bazo gangang, ah, cuisinier, ah, boy, boy. Kaka na computer na ye. Et si kaya boy, koma te. D'abord, Félix, bogo laksanga photo na ye, ta avant koma président, ne si ka boy. Papa na ye, kout, bogo laksanga ta photo moko te. Ah, moi, je vous l'ai dit. Na ye bisaka bino. Moutou loko le tjen tse seke de le kaki nga na âge. Oui. Ale kaki nga na âge. Ale kaki nga yi na mouyipi. Ale kaki nga na escroquerie. Ale kaki nga yi na mensonge. Mais nyon so etali bik. Expérience. Et tjen tse seke de azan nivou na ngate. Je vous l'ai dit. Et tjen tse seke de azan nivou na ngate. Oui. Mouana na mousika. Na mousika. Alors, laissez ces gens-là, Bazofinga, va continuer. Soit à Lembi, à Kevolia, soupe à Milou, après à Kenae. Donc, voilà. Donc, je disais, je parlais de nos militaires. Bambongo, Bato, Bazozoa, ils allaient vraiment, Moutemamabe, sur le céleri. Un Kabila qui ne fait rien. Et 680 000 dollars, Wana Bozo, ils allaient salaire. Ndakounaye, 20 000 dollars. Bah, militaire, Makamounio Sokolia, 200 000 dollars. À part salaire, 200 000 dollars qu'on y a, bateau, basala, nanda, qu'on a yé, baboy, na yé, bakombo, la ganda, bakombo, la balabala, nyon so 200 000 dollars. Nda, qu'on a yé avant, na yé, pourtant, c'est l'État, ou a tongé la yé, nda, kwa kingakati, l'État tonga, nda, kwa na kingakati, mbonge, outre la ministère de finance, na GLM, ezali, nda, kwa ya l'État, mais, bazo, bimisa 20 000 dollars chaque mois pour nanda, kwa ya Kabila. Alors, Félix, trois fois, Félix a vendu nanda kwa l'État, mais mbongo ezo kende po na ko foute la nda kwa ya Félix. À part 2 millions de dollars budget annuel na maison civile na ye. Mbongo ezo kende. Et ba militaire na biso bazo ko fananzala. Tozo ke na fin de année culture na biso ba fin de année ba to ba célébrer ka ba fêtaka. Sauf que moi je ne fête pas. Nga na fête a te. Sobo, moutou a ebi shibino ki a mona nga na fête moko ya Noël, 1er janvier, anniversaire, akanga photo a la kisabino. Moi, je ne fête pas. Po na nga e fête za chaque jour. Je peux fêter. Chikone na za bo na kolo ba za fête man gai. Na ebi te, qu'est-ce que je ne peux pas manger, qu'est-ce que je ne peux pas vêtir, po na sa la fête spécialement. Pendant que batou moussou sou bazo croupir na misère. Alors, vous vous bousillez bambongo e bele bele po sa la fête, mais Batumsus va souffrir. Voilà, donc 39 minutes, on avait dit tout ça la 40 minutes. Et ça va qui on a pour tout l'obéla, dans l'obéli ma kam mi balé, mi sa tout disons, dans l'obéli ma kam ba ambassade na biso, ba diplomate na biso na ba pays mingi ba zali ko souffrir, mbongo ezate, le ko ba passeport ezate, ba ngo ba vivre ka air ba te ka ba passeport ezate, mbongo ezate, mais étrangement, tout le monde a ministère affaires étrangères, bazotinda mbongo na kintswe ki na ba diplomate luba. Soko zali mo luba, batinde le mbongo na bande ko na na ministère affaires étrangères. Ba diplomate musu bazozo mbongo te. Nga mutu na lobby yango te, ba diplomate bango moko ba bengi nga ba ebisi nga ye. Bomba biso papa, mais tala lika mdengezo. Eza ebele, batinde linga ba email, batinde linga ye, et je vais vérifier ngo moko moko na kozonga pona pesa ba détail nyoso na lobali makamba makamba armée na biso ba militaire na biso bazali très inquiet dans le sens que bazali ko croupir salaire ezate bana na bango ba famille na bango bandako ezate ba koma ko vanda na bandako ba ndeko et pourtant pays Félix azo sa bango bo kanga sentir mboka ezana pasi soki mboka ebongi nazo lité pona bongisa bino mais ye moko président azo sa bango bo kanga sentir yé moko salaire 2 millions 70 000 dollars chaque mois. Alors, oué zaki ndoki, eza moutema mabé. Alors, les militaires se demandent, est-ce que va continuer ko batte là, ou bien ba tika na bango, Félix na bana na ye, na famille na ye, na ba cousin na ye, ba zwa mindouki ba kende ko bunda. Alors, voilà. Oyo, tolinga yko roba pona lelo, 40 minutes net. Et je pense que Torokabwana et Sikana. Pour aujourd'hui, merci beaucoup. Weekend à Malam, on a Binonyoso, au bazar confinement, respecter confinement. Au bazar confinement, c'est week-end Malembe, tapage Mingite, Masanga Mingite, fête, botika, fête, Congolais, botika, fête. Hi! Batumo bimbo ndire ba bandai koliati kote ba uta alors ba ye surtout ba bazan na diaspora tellement la viande eza lokola gratuite poulet lokola gratuit congolais fête chaque jour mwana kosola mwana seka mwana nga seki mbali boso fête mwana sala boye mwana sali mbali boso fête hi congolais mais mboka tala ndenge zokende. Voilà, merci beaucoup pour la lélo. Nazongi, et ça qui pose nanga. Ah, comment est-ce que tu passes ton temps dans les réseaux sociaux? Ah, me dit, journée moko ezan à 24 heures. Ce qui na sali live 40 minutes, c'est ça passer mon temps dans les réseaux sociaux. Moi, je travaille, naza chômeur. Moi, je travaille. Boyebi que lélo ko tangisa na université, eza match quarter. Et talat n'est tout ça. Vraiment, pas Congolais, bandi ma bande côté. Voyez bien que naïb sabino na industrie oyo académique. Industrie académique ezali match moko kwata na ndenga kosakanate. Mais il faut qu'on félicite bandeko na biso ba Congolais, ba Africains, engagés professeurs na Europe, na Amérique, na Asie. Pendant que bandeko na bango tolo ba coréen par exemple ba canadien par exemple d'origine ba colomboka baza na ba PhD ba doctorat ba vandi na bandako bazolo kwa musala azala ta professeur azozo ayangote et sika ndeko na bango azo musala wana ndeko na yo congolais mutaza azu musala wana donc congolais wana za camarade na yote. Ah oui, congolais wana za camarade na yote. Croyez-vous que façon ba coréen bazali façon ba canadien bazali ngai na lexatana nga na réseaux sociaux na sala musalate yango sala musalate na réseaux sociaux kaka na sala musalate balongolangate mais non naza organisé na ebi gestion ya temps na ebi yango. Alors quand on passe on fait une 40 minutes pour na kolosola makamba mboka na biso c'est planifié na yebita na ngai et olinga te maza professeur a kongote po obenga téléphone allo mutu wana na lingi bulungola ye mutu wana bulungola ye bobenga na ba coréen bobenga kuna ba canadien balongola nga bobenga kasi soki vraiment fatché na bino azali béton bobenga ba coréen boye ça va monke bolongola mutu wana. Combien de lettres bazui? Combien de lettres bazui? Ah, batali me mutwana azo ya une université esika nazali. Une des universités na mboka Corée, une de, parce que kuna na Corée nazana ba université mibale. Une des universités président ngwa ebisanga ya 2 semaines. Bazaki na bureau na ye. A ebisanga lobi prof yombi oyebi ke banda wa ya université na ngai. Chaque semestre, nous avons toujours étudiants et béné. Parce que étudiants, ce qui va saler de inscription, il y a une question formulaire, une question, il y a sondage. Et là, on est poussé au pôle à l'université. Au pôle, na Corée, ba université est béné. Na Corée, ba université a même plus de 300. Plus de 300 des universités na Corée. Alors, et là, on est poussé au pôle à l'université. Combien qui écrivent? Ah, il y a professeur wana na monaka mingi na télévision professeur Yombi. Eza pona ye na monaka ye pembeni. Na monaka ye na télévision na monaka ye pembeni. Il me l'a dit. Alors yango a ebisinga yango zomona na écran géant ya université Libanda na balabala yango zomona photo na yo. Photo na yo elekaka toujours. Parce que moi-même je me demandais bien que makamba komakuna eza quand même bien mais pourquoi il y a université toza ba professeur belé mais pourquoi photo na ngai les kaka parce que les professeurs mususu baba naza penga moko professeur mupaya tout le monde na université wana ya liboso ya mibalede tout le monde baza ba coréen naza ngamoko mupaya et mutu mwindu pe africain Ah oui, mais bah, professeur, nous sommes moi jalousie, mais oui, ils ont marketing, à professeur, pourquoi kakaye? N'a tout nié. Ah, et bien, oui, tu as photo na yo, parce qu'on a remarqué que beaucoup des étudiants vont s'inscrire à l'université na Bisopo na yo. Alors, pourquoi ne pas utiliser aussi une partie marketing pour que Batouba y ait belé? Et si Kabacha écran Jéhovah et Zali, juste na stop, feu rouge. Ma camion no son dengue Zoya, ils ont le boulevard na Katia ville. Ma camion no Zoya na stop, tout le monde à Zomona. À Zomona, t'as la ka A, au université. À Zomona Chikoyo, ba photo dengue Zoleka. Ah, photo, ya cuisinier, ya Félix. Alors, croyez-vous que Batou le kola ba coréen, osa vraiment li bungu tout le vide le kola Félix? Ba coréen penza ba zwa photo na yo ba cha na entraîne écran géant ya université ba to ba mona yo mais il faut za la malade. Ah oui, ah oui, na za la chance que na za na Congo te poso na za la Congo mele ba bengana nga kala mele kutu ba wewa ba yela ngai na université ba kanganga ba longola ngai chance nzambe vraiment we dangai. Voilà, mes chers amis. Merci, merci Mingi pour Nalelo. Je pense que toko si sawana et toko t'aura peut-être l'opi. Merci. Allez, au revoir pour aujourd'hui. Bokabula. Inscrivez-vous na YouTube parce que na YouTube, na Facebook, na YouTube, ba photo ils allez, vous pouvez voir. Même aux arbres, méga Mingi, mais comme y a kananou. S'abonner na nous, prof Yombi Vision, ou s'abonner na nous, ba mega oya sima, bino ba, tala, Félix, chance le kopamba, Kabila, chance le kopamba. Alors, qui vous dit que l'obé vous aura mégaté? Les cas na nous kuna, s'abonner na nous. Ce qui est dans le makamba photo, a photo ni n'yangwa zoloba, tikana le kakuna na tala, ou tali a ta photo a pamba. Félix a comme président, chance le kopamba, yé baki. Félix a yé baki, qui a comme président. Voilà, merci. Pour aujourd'hui, allez, au revoir.